Un paisible désordre du monde, par Eric Arasim. De l'intention initiale aux intentions divergentes, tout est programmé, même nos vies. Devenir chaos, de codage en décodage, des outils de la pensée. L'information ne passe plus, le numérique déraille, l'analogique débraye. De simples souvenirs cybernétiques envoyés par courrier. Il s'agit de deviner ce qui affecte le monde. Quelle est la pertinence de notre époque? Une lecture distanciée? La rupture d'un contrat implicite? La perte des données stockables? Limite de la mémoire. Paradigme décadent. Word, Photoshop, PowerPoint. Explosion des abstractions. Reconfigurer absolument. Penser à l'impensable mesure de l'univers avec un double décimètre. Les multiples soubresauts des zones touristiques réchauffent le climat ambiant. Fonte des glaciers ambulants. La cocotte minute tropicale couve les révoltes urbaines dans les chemins de bitume brûlant, arrosés du rhum vaudou. Puissance du populaire aux exigences de la rue. Dans ce paradis fiscal où poussent des banques, se développent en silence des nuées de favelas, ces drôles de plantes abritant la faune sauvage où se cachent les pauvres, à l'ombre des béquets, de la dérégulation financière et de l'exploitation des terres. Besoin d'évasion amoureuse, d'investissement des passions, annonce l'Agence européenne de voyage. Ambition joyeuse sous le soleil des tropiques, une étrange cohabitation, le repos et la colère, luxe, calme et volupté. Le climat s'affole sous les nuances du bleu, déraison des baromètres aux vitres craquelées par le cagnard, bouillonnement du mercure, affolement du Fahrenheit. Le Celsius s'en est allé dans les contrées glaciaires, là où les ours pleurent à la lueur des aurores boréales. Les Inuits se dorent la pilule sous les sunlights des cabines, à ne plus rien comprendre. Exil des pingouins, cauchemar des climato-sceptiques, départ pour une autre terre, à délice, système D. Vous pensez être à l'abri des mélanomes, la grande fournaise ne vous épargnera pas. Vicissitude des peaux brunies, bronzage assuré, c'est l'été. Notre terre est soldée, tout doit disparaître. Anthropocène de ménage, les dieux se disputent en cinémascope, dévastation programmée à petit feu. La planète brûle et nous rions, festoyons. Inconscience de l'autruche, la tête à mille pieds sous terre, ne percevant pas le danger annoncé par le flash météo. Une belle journée paisible pourtant, d'accords en désaccords, aux sommets mondiaux, surdité des puissants, aveuglement collectif. Plus rien ne bouge. Même les malheureux cactus tentent désespérément de se rafraîchir aux abords des piscines, creusées en plein désert par les investisseurs de l'Arizona Sunday ou du Beach Fun Paradise. Rien qu'une question de dosage dans ce cocktail déroutant du Rio Club Resort. Le désordre est sournois, le désert l'est parfois, presque imperceptible, à l'œil nu. Il s'immisce partout. Nul n'est à l'abri de ses ravages, comme les sables du Hogar. Il vient gripper tous les mécanismes de régulation économique, climatique, s'acharner sur nos côtes rocheuses, permettant de vérifier, au fil des ans, toutes les théories de compréhension du chaos qui a construit le monde, ou fini par l'effacer. Le monde est devenu un mirage sur une route brûlante qui ne mène nulle part ou ailleurs. Ici se termine « Un paisible désordre du monde » par Eric Arasim. Enregistré par Christiane Johann sous licence CC BY NC ND.